santé, la Canadienne. Avec ses yeux pleins de douceur, son teint rosé, son porteur est qu'admire le fin connaisseur. En robe de soie ou d'indienne, elle plaît tout. Dans un joyeux élan, jadis sur le champ de bataille, elle cueillit plus d'un laurier. Et de nos jours, elle travaille à maintenir l'ordre au foyer. De notre foi, c'est la gardienne. Le champion ferme et vaillant. Chantons l'aimable canadienne, amis dans un joyeux silence. Regardez-la dans une fête, rire et parler avec chaleur, puis souvent faire la conquête de celui qu'elle a pour causeur. On la proclame magicienne, certes c'est bien l'équivalent. Chantons l'aimable canadienne, amis dans un joyeux élan. Charitable, autant que gentil, elle visite le réduit, où le feu rarement pétille, où le bonheur jamais ne lui. Et lors de cette humble chrétienne, sèche les pleurs de l'artisan. Ah oui, chantons la canadienne, amis dans un joyeux élan.